Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fajat Nancy 94.2. Yves et Cazé sont à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter ce patchwork numéro 53, à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Croatie, trois coups de chapeau à Oliver Dragojevic, c'est le Charles Aznavour croate, et une promenade autour du mot « cravate », et le tout étoilé de zouk effréné. Bon, on commence toujours par le zouk, et bien si tout le monde est prêt, une belle balade avec deux ailes, un beau zouk, à écouter sans stress, un petit bijou interprété par une très belle voix, oh comme c'est agréable, condamné à rester tout seul, Mosé. J'ai choisi de vous parler de la République de Croatie, qui est un pays bien entendu d'Europe centrale, indépendant depuis 1991 lors de la dislocation violente de la Yougoslavie. la Croatie s'étend depuis les confins de l'extrémité orientale des Alpes au nord-ouest, depuis les plaines pannoniennes au nord-est, jusqu'au littoral de la mer Adriatique au sud-sud-ouest, en passant par les Alpes dinariques au centre. Vous avez tout compris ? Oui. Sinon, les pays voisins sont la Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Population de la Croatie, 4 millions d'habitants, sur une superficie de 57 000 km², soit le dixième de la France métropolitaine. La capitale, c'est Zagreb. Et depuis la fin des années 90, 350 000 personnes ont émigré de Croatie. Il faut dire que les inégalités, la corruption et le manque d'opportunités constituent les raisons principales expliquant ces départs. La religion principale, c'est le catholicisme à 88%, et la langue officielle, le croate, une langue slave. En sport, la Croatie a fini vice-championne du monde de football en 2018, et la même année, son équipe de tennis a remporté la finale de la Coupe Davis. Le pays s'est engagé dans un vaste programme de reconstruction mené par le gouvernement, et depuis 1996, la moitié du parc immobilier détruit a été rebâti sans aide internationale. Et depuis la fin de la guerre, la Croatie connaît une croissance économique assez rapide. Le taux de chômage est de 7,3% et le salaire moyen mensuel est de 900 euros. Deux mots sur l'origine du mot cravate. Cravate portée à l'origine par des soldats pour se protéger du froid. La cravate apparut en France sous le règne de Louis XIII. Et à cette époque, les soldats croates, qui étaient recrutés par le roi de France, portaient à leur cou un foulard noué, et le mot cravate est une déformation en fait du mot croate. Zamjenit, côté Nathalie Dismar. treba razmjerno. Zamijenit ću te gori namjerno. I mijenjat ću te gori posvuda i stalno. Pred licem javnosti i ilegalno. Coup de chapeau à Oliver Dragojević, le Charles Aznavour croate. Oliver Dragojević est né en 1947 et décédé en 2018, et c'était un artiste considéré comme une star musicale, une icône des plus durables de Croatie, avec une discographie s'étendant sur près de 5 décennies. Kad mi dodasti, Oliver Dragojević. Puna strepnja, nema te tu kraj mene, a trebam te kao pjesnik svoju bol. Na srcu studen zima, na usnama tvoje ime, i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proć. U noćima bez sna počnemo mi mirno živjeti. Tebe sanjam i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, Stéphane Goldman est un auteur-compositeur-interprète francophone, né à Montrouge, en région parisienne. Et une vie très internationale l'amena en Tunisie, puis en France, que l'occupation l'obligea à quitter pour se réfugier en Angleterre, où il s'engagea dans la Royal Navy. Démobilisé en 1945, il revint en région parisienne dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, et c'est là qu'il débuta sa carrière de guitariste et de chanteur. Marié à une Québécoise, il s'installa au Québec en 1967 et il en adoptait très vite l'accent, c'est incroyable d'ailleurs. Auteur de nombreuses chansons contre la guerre, il illustre particulièrement bien cette ballade autour du mot cravate, la cravate lavalière, Stéphane Goldman. Il y avait un petit soldat en cravate lavalière qui marchait au pas en dansant la polka, et son adjudant, beaucoup plus militaire, il n'aimait pas ça, il n'aimait pas ça. Mon petit soldat aimait la nature entière, faisant signe de la main à tout ce qu'il rencontra, même qu'il en oublia que c'était la guerre. Et devant ceux d'en face, leur fit comment ça va, leur fit comment ça va. Alors ceux d'en face, trouvant curieuses ses manières, se dirent enfin c'est pas possible, lui c'est pas un soldat, et n'y firent plus attention. Et mon petit militaire fut le seul qui en réchappa, fut le seul qui en réchappa. Qui furent bien étonnés lorsqu'il revint à l'arrière, qui furent bien étonnés, ce furent les ministères. On n'a jamais vu ça, que va-t-on pouvoir en faire? On n'a jamais vu ça, que faire de ce soldat? Il était bien prévu qu'il mourrait à la guerre. Et le revoilà, et le revoilà. Messieurs, écoutez-moi, fit le petit militaire. Messieurs, écoutez-moi, je peux arranger ça. Rendez-moi ma maison, mon travail et ma mère, et la femme qui veut de moi, et la femme qui veut de moi. On l'a bien écouté, mais d'une autre manière, on l'a bien écouté, car il a eu tout ça. Depuis tous les dimanches, sa famille au cimetière vient parler de lui tout bas, vient parler de lui tout bas. La morale de l'histoire, il n'y en a guère que pour ceux qui croient que le kaki fait un soldat. Car au bout du compte, des cravates lavalières, on en a tous une, avec ou sans petit pois, avec ou sans petit pois. Né en 1984 en région parisienne, à La Garenne-Colombes, Lindsay est le résultat de l'alliance de deux parents d'origine antillaise. Sa mère est guadeloupéenne et son père martiniquais. Et de cette union est née une belle jeune femme qui croit en l'avenir de sa génération, Angoulimbe Lindsay. Je pourrais passer, ça n'a qu'à fonctionner. toute la journée. Que faire en Croatie? Il y a ceux qui le savaient déjà, ceux qui venaient avant du temps de la Yougoslavie et qui reviennent aujourd'hui dans le pays pour le savourer à nouveau. Et puis, il y a ceux qui viennent en Croatie pour la première fois et qui découvrent un pays à la situation unique, fascinante transition entre Europe centrale et Méditerranée, carrefour de culture et d'influence assez exceptionnel. Illyriens, Celtes, Romains, Vénitiens, Italiens, Ottomans, Hongrois, Français et Autrichiens y ont tous laissé leur marque en Croatie. Cela dit, la Croatie, c'est aussi une côte merveilleuse, tournée vers le soleil couchant et constellée de 1185 îles et îlots. Une côte qui égrène des petits bijoux architecturaux qui ont pour nom Pula, Rovinj, Zadar, Zibenik, Trogir, Split et la perle de l'Adriatique, Dubrovnik. À l'intérieur des terres de la Croatie, Zagreb ravira aussi, pour son éclectisme architectural, la richesse de ses musées et sa vie culturelle. Quant aux amoureux de la nature, ils seront comblés. Les parcs nationaux et les parcs naturels regorgent d'une faune que l'on croyait réservée aux lointaines contrées. Ours, chamois, mouflons, chats sauvages, loups et lynx, et jusqu'aux mangoustes qui se dorent la pilule sur l'île de Mijet. Et puis, ah là là, les lacs de Plitvice et leurs 92 chutes. Quant aux îles de la Croatie, elles rendirent Georges Bernard Shaw particulièrement lyrique, Dixit, le guide du routard, Libar Giboni. Dajem ti verse i note. tebe mogu pjesmu kupiti. Lukavo i slatko riječivo, još uvijek mogu ti podvaliti. Deuxième coup de chapeau maintenant à Oliver Dragojevic. Son style a mélangé les mélodies klapa traditionnelles de Dalmatie avec les motifs de jazz enveloppés dans une production moderne. Alors la klapa, vous connaissez, c'est un genre musical et c'est un chœur de chant a cappella traditionnellement entièrement masculin. Un chœur d'homme quoi. La klapa a d'ailleurs été inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel de l'humanité. Stotu Bj Luba, Oliver Dragojevic. Ili si se do sad skrivala? Znam, negdje si uživala. Kad god došla, dobro došla mi, jer jedna za drugog mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim i spreman sam sve da izgubim. Došla, dobro došla mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Podsjeti me što to vješe ljubav, ima na te biti zaljubljen. Što to vješe, što to vješe ljubav. Sam sve da izgledam. T'en as une belle cravate. C'est ta femme qui t'a payé ça? Oh, elle a du goût, cette poupée-là. Remarque, hein, il faut être sincère. C'est normal qu'elle t'offre un cadeau. Après ce que tu as pu faire, bah, ça représente un drôle de boulot. Et c'est une chanson du chansonnier Guy Favreau et de Georges Lieferman en 1958. T'en as une belle cravate, Félix Martin. T'en as une belle cravate, c'est ta femme qui t'a payé ça. T'en as une belle cravate, elle a du goût cette poupée-là. Remarque, faut être sincère, c'est normal qu'elle t'offre un cadeau. Après ce que t'as pu faire, ça représente un drôle de boulot. Rappelle-toi, tu avais la bonne planque à la caisse de chez Smith & Co. Rappelle-toi, quand on a fait la banque, c'est bien toi qui as donné les tuyaux. Pour elle, sacré pirate, le Grisby, tu le prenais n'importe où. Ça faisait une belle cravate, c'te môme l'a suspendue à ton cou. Une bonne purée de pois autour des docks de la Tamise, c'est ça qui est champion pour faciliter les affaires. T'as peut-être eu raison de vouloir garder les plus grosses mises, mais t'as peut-être eu tort de foutre le bobby dans la rivière. T'en as une belle cravate, c'est ta femme qui t'a payé ça. T'en as une belle cravate, elle a du goût cette poupée-là. T'as cru doubler tout le monde en donnant les copains aux poulets. Ça faisait pour ta belle blonde une bonne prime et des gros billets. Mais voilà, c'est facile à comprendre, une femme, ça bavarde, c'est normal. De petits mots à qui doit les entendre, ça permet de doubler le capital. T'en as une belle cravate, ça bien sûr, elle te serre un peu le cou. T'en as une belle cravate, mais c'est toi, imbécile. Mais c'est toi, idiot, ben. Mais c'est toi qui te balance au bout. Que mange-t-on en Croatie? Oh, du jambon fumé, du fromage de brebis, servi en entrée, salade de poulpe, accompagné d'huile d'olive extra vierge. Des strukli au fromage, c'est un plat typique des Zagreb. De la pâte, du fromage frais et de la crème. Puis des risottos d'encre de sèche. Des sarmas, des feuilles de chou farcies avec de la viande hachée, du riz et de la viande fumée. Des poivrons farcis, pas pour moi. Des calamars grillés au feu de bois. Des calamars frits, roulés dans la farine et frits dans l'huile, accompagnés de frites et de sauce tartare. Brudette, du poisson cuit, dans du vin blanc avec parfois des tomates, le tout accompagné de polenta. Un sandwich au chavapi, viande hachée, porc ou bœuf, grillé, servi avec oignon, ajvar, une purée de poivron et de tomates. On peut rajouter du fromage frais aussi si on veut. Pijeskavica au fromage, viande hachée et grillée farcie au fromage. La peka, un plat de poulpe et de pommes de terre, recouvert d'une cloche en fonte que l'on recouvre de braise. Gaspa Severina. Vina. ceri, ko šećeri, a pjevaju šoferi. Nek se živi, pa ko preživi. Šoferi, šoferi, ej da vas je više. Volim, volim, volim, volim, volim, volim, volim, volim, volim, volim. Kad na puško miriše. Gaz, gaz. Pas franchement favorable pour la cravate. L'épicier chanteur de Tyros, dans les Landes, bah c'est le gérant du petit casino. Il chante, mais il n'est pas, ouais, il n'aime pas trop pour la cravate. Elle va bien au faux derche. Pour tous les culs qui lèchent, ce symbole de l'apparat va bien au gueule de rat. Une chanson de 2015, La cravate, Nicolas de Sigoule. Elle va bien un fou d'herche pour tous les culs qui lèchent ce symbole de la para. Va bien aux gueules de rat. Posez-la sur la chemise. Elle est comme la cerise sur le gâteau ferreux au parfum vénéneux. La cravate ne me va pas. De miner aux gens très ordinaires, elle fait parfois vulgaire. Elle va bien aux jeunes mariés qui la portent avec fierté, ou aux pauvres cons sinistres qui sera un jour ministre. La cravate ne me va pas. La cravate, j'en porte pas. Elle va bien aux financiers, aux requins de la société. Elle sert de paravent au cou d'un représentant. Elle est souvent grotesque, on en oublierait presque que sous ce bout d'étoffe se cache souvent un beauf. La cravate ne me va pas. La cravate, j'en ai. que rapporter de Croatie ? Oh, d'abord des souvenirs gastronomiques, du jambon fumé d'Istrie ou de Dalmatie, du chorizo de Slavine, du fromage de brebis, de la confiture de figues, des cœurs en pain d'épices, de la pelure d'orange confite, de l'alcool de cerise marasquin, de l'eau de vie aux noix. Et puis des souvenirs d'artisanat, une coiffe de Lika, une broderie de Connaville en soie, une cravate, bien sûr. Et puis des souvenirs symboliques, l'iris croatica, la fleur nationale, un stylo Penkala, une invention croate, et les souvenirs proposés dans les différents parcs. Villa Moja, Klapa, Krik Venika, un cœur d'homme. Skoro svaki put kad se mi pogledamo, ti ne ozdraviš, ko da se ne poznamo. Popustiti, jel tako? Ajde, samo refren, Klapa Trikvenica još jedno. Ala je bilo bi da si tu ja bi.